Section 5. Rancé courut de semblables dangers. Aussitôt qu'il eut parlé de réforme, on parla de le poignarder, de l'empoisonner, ou de le jeter dans les étangs. Un gentilhomme du voisinage, M. de Saint-Louis, accourut à son secours. M. de Saint-Louis avait passé sa vie à la guerre. Le roi l'estimait. M. de Turenne l'aimait. Selon Saint-Simon, c'était un vrai guerrier, sans lettre aucune, avec peu d'esprit, mais un sens le plus droit et le plus juste que j'ai vu à personne, un excellent cœur, et une droiture, une franchise et une fidélité admirables. Rancé refusa la généreuse assistance, disant que les apôtres avaient établi l'Évangile malgré les puissances de la terre, et qu'après tout le plus grand bonheur était de mourir pour la justice. L'abbé menaça ses religieux d'informer le roi de leur dérèglement. Ce nom du roi avait pénétré au fond des plus obscures retraites. Jusqu'alors, nous n'avions senti que le despotisme irrégulier des rois qui marchaient à regret avec des libertés publiques, ouvrage des États généraux et exécuté par les parlements. Mais la France n'avait point encore obéi à ce grand despotisme qui imposait l'ordre sans permettre d'en discuter les principes. Sous Louis XIV, la liberté ne fut plus que le despotisme des lois, au-dessus desquelles s'élevait comme régulateur l'inviolable arbitraire. Cette liberté esclave avait quelques avantages. Ce qu'on perdait en franchise dans l'intérieur, on le gagnait au dehors en domination. Le français était enchaîné, la France libre. Les moines donnèrent à regret leur consentement à la réforme. Un contrat fut passé. 400 livres de pension furent accordées à chacun des 7 demeurants, avec permission de rester dans l'enceinte de l'abbaye ou de se retirer ailleurs. Le contrat mutuel fut homologué au Parlement de Paris le 6 février 1663. Rancé était toujours perplexe sur lui-même. Deux frères de l'étroite observance, appelés de Persaigne, arrivèrent et prirent possession de la trappe. Un accident survenu le 1er novembre 1662 contribua à fixer la résolution de Rancé. Sa chambre, dans le monastère, qu'il avait achevé de réparer, s'écroula et pensa l'écraser. « Voilà, s'écria-t-il, ce que c'est que la vie !» Il se retira aussitôt dans un coin de l'église. Il entendit chanter le psaume « Qui confindut in domino ». Frappé d'une lumière soudaine, il se dit « Pourquoi craindrais-je de m'engager dans la profession monastique ?» Les difficultés de son esprit s'évanouirent. Il partit pour Paris afin de demander au roi la permission de tenir en règle l'abbaye de la Trappe. Quelques hommes saints essayèrent de le détourner de sa résolution, mais il dit à l'abbé de Prière, vicaire général de l'étroite observance, je ne vois point d'autre porte à laquelle je puisse frapper pour retourner à Dieu que celle du cloître. Je n'ai d'autre ressource après tant de désordre que de me revêtir d'un sac et d'un cilice en repassant mes jours dans l'amertume de mon cœur. » L'abbé lui répondit, « Je ne sais, monsieur, si vous comprenez bien ce que vous demandez. Nescis quid petis. Vous êtes prêtre, docteur de Sorbonne, d'ailleurs homme de condition, nourri dans la délicatesse et dans le luxe. Vous êtes accoutumé à avoir grand train et à faire bonne chère. Vous êtes en passe d'être évêque, au premier jour. Votre tempérament est extrêmement faible, et vous demandez d'être moine, qui est l'état le plus abject de l'Église, le plus pénitent, le plus caché et même le plus méprisé. Il vous faudra dorénavant vivre dans les larmes, dans les travaux, dans la retraite, et n'étudier que Jésus crucifié. Pensez-y sérieusement. » Alors l'abbé de Rancé répondit, « Il est vrai, je suis prêtre, mais j'ai vécu jusqu'ici d'une manière indigne de mon caractère. Je suis docteur, mais je ne sais pas l'alphabet du christianisme. Je fais quelques figures dans le monde, mais j'ai été semblable à ces bornes qui montrent les chemins aux voyageurs et qui ne se remuent jamais. » L'abbé de Prière fut vaincu. Dans quelques lettres qu'a bien voulu me communiquer M. Cousin, Rancé fait l'histoire des combats qu'il eut à soutenir à cette époque. Les 4 premières s'étendent de l'an 1661 à l'an 1664. Elles sont écrites à l'évêque d'Alette. « Je ne puis comprendre, dit-il, que j'ai la hardiesse de prendre une profession qui ne veut que des âmes détachées, et que mes passions, étant aussi vivantes en moi qu'elles le sont, j'ose entrer dans un état d'une véritable mort. je vous conjure, Monseigneur, de demander à Dieu ma conversion, dans une conjoncture qui doit être la décision de mon éternité, et qu'après avoir violé tant de fois les vœux de mon baptême, il me donne la grâce de garder ceux que je lui vais faire, qui en sont comme un renouvellement, avec tant de fidélité que je répare en quelque manière les égarements de ma vie passée. Rancé écrivait à ses amis le 13 avril 1663 « Je suis persuadé que vous serez surpris quand vous saurez la résolution que j'ai formée de donner le reste de ma vie à la pénitence. Si je n'étais retenu par le poids de mes péchés, plusieurs siècles de la vie que je veux embrasser ne pourraient satisfaire pour un moment de celle que j'ai passée dans le monde. » L'abbé de Prières s'employa principalement auprès de la reine-mère afin d'obtenir du roi pour que Rancé pût tenir son abbaye en règle. Louis XIV agréa la requête, mais à la condition qu'à la mort de cet abbé régulier, la trappe retournerait en commande. Le roi tenait au traité de sa race. Le brevet fut expédié le 10 mai 1663 et envoyé à Rome pour être confirmé de sa sainteté. L'évêque de Comminges, ayant su que Rancé était à l'institution à Persègne pour commencer son noviciat, l'alla trouver, et lui dit qu'il craignait que, dans son ardeur, il n'allât si loin que personne ne le pourrait suivre. L'abbé répliqua qu'il se modérerait, et il trompa l'évêque. Conversation entre deux soldats, l'un a appris à mesurer le péril, l'autre ne l'a jamais calculé. En 1662, Rancé était allé visiter la trappe et jeter un coup d'œil sur la solitude éternelle qu'il devait habiter. Il avait vu les étangs qui se retirent et s'élèvent en montant dans l'ancienne forêt du Perche, et dont plusieurs sont aujourd'hui supprimés. Il avait vu partout ces grandes feuilles solitaires qui flottaient sur les eaux comme un plancher, et à travers lesquelles les oiseaux aquatiques faisaient entendre quelques cris. Il hésita entre cette profonde retraite et son prieuré de Boulogne-Chambord, qui lui plaisait parce qu'il était dans des bois. Mais enfin il se décida pour la trappe à cause de certaines affinités secrètes entre les solitudes de la religion et les solitudes de son passé. Il appela auprès de lui l'abbé Barbery. Rancé, dans ces jours-là, écrivait à M. l'évêque d'Alette « Comme les choses que je quitte et ma séparation des embarras extérieurs sont les moindres attachements de ma vie, que je ne puis me défaire de moi-même, puisque je me trouve partout aussi misérable que je l'ai toujours été, je vous supplie de demander à Dieu ma conversion. » L'évêque d'Alette, nous l'avons vu, n'était pas un guide sûr. Dans la confusion des doctrines du temps, l'ami sur le bras duquel vous vous souteniez prenait au premier détour une autre route, et vous laissait là. Rancé, sentant qu'il était environné de chancelants compagnons, se décida. Il sortit des rangs, rompit la ligne. Déserteur d'une armée qui ne le suivait pas, il alla droit de Paris à Persègne apprendre la nouvelle profession qu'il s'était promis d'embrasser. L'abbé de Persègne le reçut avec joie, mais avec tremblement. Au bout de 5 mois de noviciat, il se déclara chez Rancé une maladie dont il parle dans ses lettres, maladie d'autant plus dangereuse qu'elle avait été longtemps dissimulée. Les médecins le condamnèrent s'il ne quittait la vie monastique. L'abbé s'obstina, se fit transporter à la trappe et guérit. Retourné à Persègne, il écrivit à l'évêque d'Alette « Le temps de mes épreuves est près de finir. Mon cœur n'en est pas moins rempli de misère. Je ne puis comprendre que j'ai la hardiesse de prendre une profession qui ne veut que des âmes détachées, et que, mes passions étant aussi vivantes en moi qu'elles le sont, j'ose entrer dans un état d'une véritable mort. » Il fit un adieu général au monde. D'une course nouvelle, il s'élança après le Fils de Dieu et ne s'arrêta qu'à la croix. On l'employa utilement pour son ordre pendant son noviciat. La réforme avait été établie au monastère de Champagne. Les moines résistaient, la noblesse appuyait les moines, l'esprit frondeur n'était pas encore éteint, restait à rendre l'arrière-fait de la discorde. Ce moment de péril interrompit le noviciat de Rancé. On le fit courir au secours de l'étroite observance. 25 gentilshommes, conduits par le marquis de Vassé, sous prétexte d'une partie de chasse, se présentèrent à une abbaye dans le dessein d'en expulser le parti des réformés. Rancé arrivait. Il leur demanda ce qu'ils voulaient. Il fut reconnu par Vassé, auquel il avait rendu jadis un important service. Vassé courut à lui, l'embrassa et consentit à laisser en paix les religieux. Revenu à Persègne, Le prieur parla d'envoyer en Touraine l'abbé dont le noviciat n'était pas encore achevé. Le postulant s'y refusa, disant que cette tournée l'exposerait à des périls. L'historien se sert deux fois de ce mot sans le comprendre. L'explication est que Verrès, tout vendu qu'il était, barrait le chemin. Les périls qui menaçaient Rancé étaient des souvenirs. Étonné de la résistance, le prieur manda à l'abbé de Prières que le nouveau moine lui paraissait un homme attaché à son sens. L'abbé de Prières voulut parler à Rancé. Celui-ci alla le trouver à 4 lieues de Paris. Le grand conspirateur de solitude le charma, car l'abbé Le Boutillier avait des bienséances difficiles à distinguer de la véritable humilité. Un éclair de la vie passée de l'homme du monde plongeait dans les rudesses de la foi. Avant de prononcer ses vœux à Persaigne, Rancé retourna à la trappe. Il y lut son testament. Il donne ce qui lui reste à son monastère. Il s'accuse d'avoir été, par son insouciance, la cause d'un grand nombre de malversations. Il déclare parler sans exagération et sans excès. Il proteste que sa confession est aussi sincère que s'il était devant le tribunal de Jésus-Christ. Il abandonne à ses frères tous ses meubles, il leur remet particulièrement ses livres. Si, par des événements qu'on ne peut prévoir, dit-il, la réforme cessait d'être à la trappe, je donne ma bibliothèque à l'Hôtel-Dieu de Paris pour être vendue au profit des pauvres et des malades. Rancé a l'air d'avoir un pressentiment des malheurs qui fondirent un siècle et demi plus tard sur son abbaye. Il laissa sa bibliothèque à ses religieux, lui qui ne voulait pas qu'un moine s'occupât d'études. Ici, on aperçoit Madame de Montbazon pour la dernière fois. Astre du soir, charmant et funeste, qui va pour toujours descendre sous l'horizon. Au dire de Don Gervaise, Rancé avait nombre de lettres de cette femme et 2 portraits d'elle. L'un la représentait telle qu'elle était à son mariage, l'autre telle qu'elle était au moment où elle devint veuve. Ses secrets d'amour étaient confiés à la garde de la religion. La mère Louise avait, pour surveiller ses dépôts, la faiblesse et la force nécessaires, l'indulgence d'une femme qui a failli et le courage d'une femme qui se repent. Le matin même de ses vœux, Rancé écrivait à Tours pour donner l'ordre de jeter les lettres au feu et pour faire renvoyer les portraits à M. de Soubise, fils de Madame de Montbazon. Rompre avec les choses réelles, ce n'est rien, mais avec les souvenirs, le cœur se brise à la séparation des songes, tant il y a peu de réalité dans l'homme. Une autre lettre écrite à la mère Louise, le 14 juin 1664, porte « J'attends, avec une humble patience, l'heureux moment qui doit m'immoler pour toujours à la justice de Dieu. Tous mes moments sont employés à me préparer à cette grande action. Je n'appréhende rien davantage, sinon que l'odeur de mon sacrifice ne soit pas agréable à Dieu. Car il ne suffit pas de se donner, et vous savez que le feu du ciel ne descendait point sur le sacrifice de ce malheureux qui offrait à Dieu des victimes qui ne lui étaient point agréables. » On n'a jamais fait attention à cette plainte qui sort du cœur de Rancé comme de ces boîtes harmonieuses faites dans les montagnes, qui répètent le même son. Cette plainte n'indique point son objet, elle se confond avec les accusations dont le souffrant charge la vie. Résolu de s'ensevelir à la trappe, Rancé fit d'abord un voyage à son prieuré de Boulogne, puis il partit pour la trappe pour s'ensevelir au milieu de ses jardins solitaires comme jadis les souverains de Babylone. Les expéditions de la cour de Rome pour tenir en règle l'abbaye de la trappe arrivèrent. Rancé aurait voulu se régénérer avec Don Bernier, ancien religieux de la trappe, mal vivant jusqu'alors et enfin touché de la grâce, mais Don Bernier ne fut prêt que 4 mois plus tard. Le 26 juin 1664, Rancé fit profession, entre les mains de Don Michel de Guiton, commissaire de l'abbé de Prières, vicaire général, avec 2 autres novices, dont l'un appelé Antoine avait été domestique de Rancé. De serviteur qu'il était, Antoine devint l'égal de son maître dans les aplanissements du ciel. 4 jours après, Pierre Félibien prit, au nom de l'abbé de Rancé, possession de l'abbaye de la Trappe en qualité d'abbé régulier. Rancé reçut la bénédiction abbatiale des mains de l'évêque irlandais d'Arda, assisté de l'abbé de Saint-Martin de Séez. L'abbé de la Trappe se rendit dès le lendemain à son monastère. et pourtant il écrivait à un de ses amis « Ma disposition n'est qu'une pure résignation à la Providence. Priez pour moi. » Ce premier séjour de Rancé à la Trappe ne fut pas long. Il faisait réparer de tous les côtés l'abbaye, mais tandis qu'il donnait des règlements nouveaux pour le chœur et la prière, que les charpentiers et les maçons s'empressaient, il fut appelé à Paris à l'Assemblée générale des communautés régularisées. Ce jeune homme, naguère si dépendant de l'opinion du monde, se rendit au lieu de la réunion dans une charrette, comme un mendiant, affectation dont il ne put débarrasser sa vie. L'Assemblée le nomma pour aller en cour de Rome plaider la cause de la réforme. Avant son départ, il s'aboucha avec le cardinal de Retz, qui s'était avancé jusqu'à Commercy. Ensuite, Rancé retourna quelques jours à la Trappe. Il s'occupait comme un humble frère. Il disait « Sommes-nous moins pécheurs que les premiers religieux de sitôt ? Avons-nous moins besoin de pénitence ?» On lui représentait que, plus faible, on ne pouvait plus pratiquer les mêmes austérités. « Dites, répondait-il, que nous avons moins de zèle. » D'un consentement unanime, les religieux se privèrent de l'usage du vin et de celui du poisson. Ils s'interdirent la viande et les œufs. Il s'introduisit une manière honnête de parler et d'agir les uns avec les autres. Il respectait en eux l'homme racheté s'il méprisait l'homme tombé. Dans la distribution du travail, une portion d'un terrain inculte était échue à Rancé. Au premier coup de bêche, il rencontra quelque chose de dur. C'était d'anciennes pièces d'or d'Angleterre. Il y en avait 60, chacune valant 7 francs. Ce fut un coup de providence pour aider Rancé à faire son voyage. Ayant convoqué ses moines, il leur fit ses adieux. « J'ai à peine le temps, leur dit-il, de vous remettre devant les yeux cette parole de saint Bernard. Mon fils, si vous saviez quelles sont les obligations d'un moine, vous ne mangeriez pas une bouchée de pain sans l'arroser de vos larmes. » Puis il ajouta, « Je prie Dieu d'avoir pitié de vous comme de moi, s'il nous sépare dans le temps qu'il nous réunisse dans l'éternité. » Les religieux se prosternèrent pour demander à Dieu la conservation de leur abbé. Le nouveau Tobie partit pour Ninive. Il n'allait pas épouser la fille de Raguel, la fille de Raguel n'était plus. Le voyageur qui accompagnait Rancé n'était pas Raphaël, mais l'esprit de la pénitence. Cet esprit ne se mettait pas en route pour réclamer de l'argent, mais la misère. Lorsqu'on erre à travers les saintes et impérissables écritures, où manque la mesure et le temps, on n'est frappé que du bruit de la chute de quelque chose qui tombe de l'éternité. Le grand expiateur avait retrouvé à Chalon-sur-Saône l'abbé du Val-Richer, son compagnon désigné de voyage. À Lyon, il baisa la boîte qui renfermait le cœur de saint François de Sales. Il traversa les Alpes et arriva à Turin. Il n'y vit point le Saint-Suaire. À Milan, le tombeau de saint Charles Borromée l'appela. Heureux les morts quand ils sont saints. Ils retrouvent leur matin dans le ciel. Sainte Catherine à Bologne attira la vénération de Rancé. C'étaient là les antiquités qu'il cherchait. Il faisait consister sa repentance à ne rien voir. Ses yeux étaient fermés à ces ruines dont l'abbé de la Menay nous fait une peinture admirable. De superbes palais, dit-il, se dégradent d'années en années, montrant encore à travers leurs élégantes fenêtres ouvertes à la pluie et à tous les vents les vestiges d'un faste que rien ne rappelle dans nos chétives constructions modernes, d'un luxe grandiose et délicat dont les arts divers avaient à l'envi réalisé les merveilles. La nature qui ne vieillit jamais s'empare peu à peu de ces somptueuses villas, œuvres altières de l'homme et fragiles comme lui. Nous avons vu des colombes nichées sur les corniches d'une salle peinte par Raphaël, le caprier sauvage enfoncer ses racines entre les marbres des joints, et le lichen les recouvrir de ses larges plaques vertes et blanches. À Florence, le pèlerin ne s'enquit point de Dante et de Michel-Ange. Quand à mon tour j'ai cheminé parmi ces débris, j'étais interdit. Rancé reçut des honneurs de la duchesse de Toscane. On regrette qu'il ne se soit pas arrêté plus loin, au vallon d'Égérie. Il aurait pu mener des lémures de femmes saluer Néère et Ostia, là où tant de femmes avaient passé. Enfin, il entra dans la ville des saints apôtres. Ô Rome, te voilà donc encore. Est-ce ta dernière apparition ? Malheur à l'âge pour qui la nature a perdu ses félicités. des pays enchantés où rien ne vous attend sont arides. Quelles aimables ombres verrai-je dans les temps à venir ? Fi, des nuages qui volent sur une tête blanchie. » Rancé était arrivé le 16 novembre 1664, 6 semaines après l'abbé de Cîteaux, accouru pour combattre l'étroite observance. Il fut appelé à l'audience du pape le 2 de décembre 1664 à Montecavallo. Le pape l'accueillit par ces paroles « Adventus vester non solum gratus est nobis, sed expectiavimus heum. » Votre venue ne nous est pas seulement agréable, mais nous l'attendions. Sa sainteté reçut avec respect des lettres de la reine-mère, de mademoiselle, du prince de Conti et de madame de Longueville, dont les signatures étaient en contraste avec les vertus actuelles de Rancé. On comptait à Rome non les mœurs, mais les rangs. Dans sa harangue latine, Rancé dit au pape Alexandre VII, « Très Saint-Père, sortis des monastères où nos péchés nous ont obligés de nous retirer, nous venons écouter votre sainteté comme l'oracle par lequel le Seigneur veut nous faire connaître ses volontés. » Cette soumission ne rassura pas tellement le pape que Rancé ne se crut obligé de s'expliquer. Les pères de la Trappe, dit-il, n'avaient pas prétendu se soustraire à la juridiction ecclésiastique pour aller devant les tribunaux séculiers. Point délicat par lequel Rancé sut déterminer ensuite en sa faveur les décisions de Louis XIV. Il fut résolu que sa sainteté commettrait l'examen de l'étroite observance au jugement d'une congrégation de cardinaux. Rancé se retira, satisfait, il écrivit, en tombant dans l'illusion qu'on éprouve au Vatican, « Je fus auprès de sa sainteté 1 heure et demie. On ne pourrait attendre plus de marques de bénignité et de bonté que sa sainteté n'en fit paraître. » Rancé alla voir le père Bonnat, qui, devenu cardinal, lui conserva de l'amitié. Des commissaires furent nommés par le pape pour étudier l'affaire. La fureur d'être pauvre et de disparaître semblait à Rome les petites maisons ouvertes. On instruisit Rancé qu'il n'obtiendrait pas ce qu'il désirait, que manger de la viande ou de n'en pas manger était jugé chose indifférente pour la gloire de Dieu. Au commencement de l'année 1665, Rancé apprit que les décisions des cardinaux ne lui seraient pas favorables et que des lettres venues de France lui faisaient tort. Il se présenta au Vatican où l'on bénit la ville et le monde, et où il ne fut point béni. L'affaire pour laquelle Rancé était venu ne plaisait point. Vivre comme un mendiant déplaisait à la pourpre romaine. D'un autre côté, les ordres monastiques de la commune observance refusaient de s'amender. On traitait les réformateurs d'hommes singuliers, voisins du schisme. La règle étroite ne trouva parmi les grandes congrégations de Rome que la voix de quelques moines inconnus d'une vallée du Perche. En vain, Rancé fut protégé par Anne d'Autriche. La perspicacité italienne voyait que la mère de Louis XIV mourait. Or, à Rome, la tombe, toute souveraine qu'elle est, n'a aucun crédit. Alors Rancé, voyant sa cause perdue, se remit en route pour la Trappe. À peine fut-il sorti de Rome que son entreprise fut surnommée une furie française, una furia francese, comme on appelle notre courage. En arrivant à Lyon, il se hâta d'écrire. Tous mes proches commencent à être d'un même sentiment sur mon sujet, et j'ai reçu hier une lettre qui vous surprendrait si vous l'aviez vue. Mon départ fit pourtant quitter Rome à M. de Cîteaux, qui nous était un très grand obstacle, lequel, croyant me devoir suivre en France, sursit dans l'esprit de nos juges les desseins qu'il avait sur notre affaire. L'abbé de Prière, ayant appris l'arrivée de Rancé, lui manda le 24 février 1665 de retourner en Italie. Bien que Rancé fût persuadé de l'inutilité de ce second voyage, il obéit. Une personne inconnue voulut faire accepter à Rancé une bourse où il y avait 40 louis. Rancé n'en prit que 14. L'Apennin revit sur ses sommets ce voyageur qui n'écrivait ni ne faisait de journal. À Montelucco, parmi les bois d'Ieuse, Rancé put apercevoir des ermitages blancs déjà habités de son temps, et où le comte Potocki s'est depuis caché. Rancé portait avec lui une chère remembrance, mais c'était la première fois qu'il voyageait. Il n'avait pas été 17 ans comme Camoens, exilé au bout de la terre, ainsi que le raconte si bien M. Magnin. Il ne pouvait pas dire sur un vaisseau, en présence des rochers de Babel Manded, « Madame, je demande de vos nouvelles aux vents qui viennent de la contrée que vous habitez, aux oiseaux qui vous ont vus. » Le souffle de la religion et la voix des anges ne laissaient arriver jusqu'à Rancé que des souvenirs expiatoires. Le soldat de la nouvelle Légion chrétienne rentra le 2 d'avril 1665 à ce camp vide des prétoriens, où l'on ne voit plus que des martres et le fumeterre des chèvres qui tremblent sur les murs. Rome, dit Montaigne, seule ville commune et universelle, pour être des princes de cet état, il ne faut qu'être de chrétienté. Il n'est lieu ici-bas que le ciel ait embrassé, avec telle influence de faveur et telle constance, sa ruine même est glorieuse et enflée. Rancé monta au Vatican. Il parcourut inutilement le grand escalier désert, foulé par tant de pas effacés, d'où descendirent tant de fois les destinées du monde. Il adressa une supplique aux cardinaux. Un d'entre eux s'emporta. Les réclamations de l'indigence le mettaient en colère. L'abbé de Rancé répondit « Ce n'est point la passion, monseigneur, qui me fait parler, c'est la justice. » Ce grand homme, dit Pierre le Nain, traitait les affaires à la façon des anges, avec la paix de son cœur et une parfaite soumission aux ordres du ciel. Lorsque Rancé parut à Rome en 1664, et qu'il y revint au mois d'avril 1665, Alexandre VII, Fabio Chigi, occupait la tiare. On recherchait encore les traces de l'ambition de Donna Olympia sous Innocent X, comme on visite les dégâts d'un siège levé. Il n'est resté des Pamphili que la villa de ce nom. Quant à Alexandre VII, dit le cardinal de Retz, il se communiquait peu, mais ce peu qu'il se communiquait était mesuré et sage. Savio col silenzio. Dans d'autres courses, à Rome, le cardinal de Retz trouva qu'il s'était trompé et que Chigi n'était pas grand-chose. Après l'élection de Chigi, Barillon avait dit au coadjuteur « Je suis résolu de compter les carrosses pour en rendre ce soir un compte exact à M. de Lyonne. Il ne faut pas épargner cette joie aux cocus. » Tels étaient le langage, la politique et les mœurs que Rancé rencontra au tombeau des saints apôtres. Innocent X avait condamné les 5 propositions. Alexandre VII changea quelques mots au formulaire. Ces changements furent agréés par Louis XIV. Mais en même temps, pour réparation d'une insulte faite au duc de Créqui, il exigea qu'une pyramide fût élevée dans l'ancien corps de garde des Corses, pyramide qui ne fut abattue que sous Clément IX. Alexandre VII canonisa saint François de Sales, créa une nouvelle bibliothèque et s'occupa lui-même de lettres. On a de lui un volume de poésie intitulé « Philomati Musae Juveniles ». Seul rapport qu'il eut avec l'éditeur des œuvres d'Anacréon, si ce n'est le cercueil qu'il fit mettre sous son lit le jour de son exaltation au pontificat. Pendant le voyage de Rancé à Lyon, le cardinal de Retz était revenu à Rome. Il reçut bien son ami le converti et le força d'accepter chez lui un logement. Rancé ne tira aucun fruit du passage du coadjuteur à Rome, si ce n'est quelques audiences inutiles qui lui fit obtenir du pape. Le rôle actif du chef de la fronde était fini. Il y a un terme à tout ce qui n'est pas de la grande nature humaine. Le cardinal de Retz était petit, noir, laid, maladroit de ses mains. Il ne savait pas se boutonner. La duchesse de Nemours confirme ce portrait de Talmand des Réaux. Le coadjuteur vint, dit-elle, en habit déguisé, voir le cardinal Mazarin. Monsieur le prince, qui sut cette visite, en parla au cardinal, lequel lui tourna fort ridiculement et le coadjuteur, et son habit de cavalier, et ses plumes blanches, et ses jambes tortues. Et il ajouta encore à tout le ridicule qu'il lui donna que s'il revenait une seconde fois déguisé, il en avertirait afin qu'il se cachât pour le voir et que cela le ferait rire. Les portraits du cardinal de Retz n'offrent pas ces difformités. Dans l'air du visage, il a quelque chose d'arrogant de M. de Talleyrand, mais de plus intelligent et de plus décidé que l'évêque d'Autun. Né à Montmirail, au mois d'octobre 1614, d'une famille florentine qui conseilla la Saint-Barthélemy, le cardinal ne montra pas les vertus que tâcha de lui inspirer Saint-Vincent de Paul, son précepteur. L'homme du bien, en ces temps-là, touchait à l'homme du mal. Il restait dans celui-ci quelques impressions de la main qu'il avait modelée. Retz écrivit « La conjuration de Fiesque », ce qui fit dire au cardinal de Richelieu « Voilà un dangereux esprit ». La pourpre romaine avait cela d'avantageux qu'elle créait un homme indépendant au milieu des cours. Retz professait du respect pour quiconque avait été chef de parti, parce qu'il avait honoré ce nom dans les vies de Plutarque. L'Antiquité a longtemps gâté la France. Il disait qu'à son âge, César avait 6 fois plus de dettes que lui. Après cela, il fallait conquérir le monde. Et Retz conquit Bruxelles, une douzaine de bourgeois, et fut au moment d'être étranglé entre 2 portes par le duc de La Rochefoucauld. Retz, à son début, aima sa cousine, Mademoiselle de Retz. Elle montrait, dit-il, tout ce que la morbidezza a de plus tendre, de plus animé et de plus touchant. Suspect à Richelieu, ayant eu l'audace de muguetter ses femmes, le Lovelace, tortue et batailleur, fut obligé de s'enfuir. Il alla à Venise, où il pensa se faire assassiner pour la signora Vandranina. Il erra dans la Lombardie, se rendit à Rome, discuta à la Sapienz, eut une querelle avec le prince de Schoenberg et revint en France. Ses mésintelligences avec le cardinal de Richelieu continuèrent à propos de madame de la Meilleraie. Il lui passa par la tête de hasarder un assassinat sur le cardinal. Mais il sentit ce que pouvait être une peur. Bassompierre, prisonnier à la Bastille, l'engagea avec des intrigants. La bataille de la Marfée eut lieu. Le comte de Soissons la gagna et fut tué. Cette mort contribua à fixer le cardinal de Retz dans la profession ecclésiastique. Une dispute commencée avec un ministre protestant lui acquit quelque renom. Il se lia avec Mademoiselle de Vendôme par l'aventure où il rivalisa de courage avec Monsieur de Turenne contre des capucins qui se baignaient à Neuilly. Les conditions peu morales de cette liaison sont rapportées dans les mémoires. Enfin, en vertu des protections de ses temps, il fut nommé coadjuteur de Paris, dont son oncle, Monsieur de Gondy, occupait le siège. Vint la fronde. Mazarin finit par enfermer le coadjuteur au château de Vincennes. De là, transféré au château de Nantes, il s'en évada. 4 gentilshommes l'attendaient au bas de la tour, dont il se laissa dévaler. Caché dans une meule de foin, mené à Beaupréau par Monsieur et Madame de Brissac, il fut transporté à Saint-Sébastien en Espagne, sur une balandre de la Loire. Il vit à Saragosse un prêtre qui se promenait seul parce qu'il avait enterré son dernier paroissien pestiféré. À Valence, les orangers formaient les palissades des grands chemins. Retz respirait l'air qu'avait respiré Vannozia. Embarqué pour l'Italie, à Majorque, le vice-roi le reçut. Il entendit des filles pieuses à la grille d'un couvent, troupes de longues cigognes blanches qui chantaient. Après 3 jours, il traversa le canal de la Corse, alors inconnu, aujourd'hui fameux. Il arriva à Porto Longone. Il se rendit à Porto Ferraio, qui plus tard reçut Bonaparte, homme d'un autre monde, changé d'empire, jamais détrôné. Enfin, il prit terre à Piombino et poursuivit sa route vers Rome. Un conclave s'ouvrit en 1655 par la mort d'Innocent X. Le cardinal de Retz s'attacha à l'escadron volant. Kidji fut élu sous le nom d'Alexandre VII. Retz fit courir le bruit qu'il avait contribué à l'élection. Joly, son secrétaire, assure qu'il n'en fut rien. Retz se retira à Besançon, séjourna à Constance, à Ulm, à Augsbourg, à Francfort, s'en prenant dans les cabarets jusqu'aux servantes, puis il se cacha en Hollande avec une maladie. Il alla voir en Angleterre Charles II, dont il avait secouru la mère pendant la fronde. Mazarin mourut le 9 mars 1661. Rentré en France, Retz entreprit 2 ouvrages. L'un, sa généalogie, insipidité du temps, on compte ses aïeux lorsqu'on ne compte plus. L'autre, une histoire latine des troubles de la fronde, de même que Sylla écrivit en grec ses proscriptions. Le cardinal vint saluer le roi à Fontainebleau. Reçu avec froideur, les jeunes gens se demandaient comment cet avorton avait jamais pu être quelque chose. Ils n'avaient pas vu Couthon. Alors commença, ou plutôt se renoua, la liaison du cardinal et de Madame de Sévigné. Celle-ci, dont on a publié peut-être trop de lettres, ne pouvait se garantir de la raillerie, même envers les gens qu'elle croyait aimer. Elle appelait le cardinal de Retz le « héros du bréviaire ». Le cardinal lui mandait de Saint-Denis, en 1649, qu'il s'ennuierait fort sans l'espoir qu'elle lui passerait par les mains au sac de Paris. Madame de Sévigné annonce, nombre d'années après, au vieil acrobate mitré, que Molière lui lira à lui Trissotin, et que Despréaux lui fera connaître son Lutrin. Elle parle du bon cardinal. Elle nous apprend qu'il se fait peindre par un religieux de Saint-Victor, qu'il donnera son image à Madame de Grignan, laquelle ne s'en souciait pas du tout. Madame de Sévigné se promène comme une bonne avec le malade. Elle insiste pour que sa fille accepte une cassolette de lui, et sa fille la refuse, avec dédain. Mais à mesure que l'on approche de la fin du cardinal, l'admiration de Madame de Sévigné baisse, parce que ses espérances diminuent. Légère d'esprit, inimitable de talent, positive de conduite, calculée dans ses affaires, elle ne perdait de vue aucun intérêt, et elle avait été dupe des intentions testamentaires qu'elle supposait au coadjuteur. Joly, la duchesse de Nemours, la Rochefoucauld, Madame de Sévigné, le président Hainaut et cent autres ont écrit du cardinal de Retz. C'est l'idole des mauvais sujets. Il représentait son temps, dont il était à la fois l'objet et le réflecteur, de l'esprit comme homme, du talent comme écrivain. Et c'était là sa vraie supériorité. L'on fait prendre pour un personnage de génie. Encore faut-il remarquer qu'en qualité d'écrivain, il était court, comme dans tout le reste. Au bout des trois quarts du premier volume de ses mémoires, il expire en entrant dans la raison et devient ennuyeux. Quant à ses actions politiques, il avait derrière lui la puissance du Parlement, une partie de la cour et la faction populaire. Il ne vainquit rien. Devant lui, il n'avait qu'un prêtre étranger, méprisé, haï. Il ne le renversa pas. Le moindre de nos révolutionnaires eût brisé dans une heure ce qui arrêta Retz toute sa vie. Le prétendu homme d'État ne fut qu'un homme de trouble. Celui qui joua le grand rôle était Mazarin. Il brava les orages, enveloppé dans la pourpre romaine. Obligé de se retirer en face de la haine publique, il revint par la passion fidèle d'une femme et nous amenant Louis XIV par la main. Le coadjuteur finit ses jours en silence, vieux réveil matin détraqué. Réduit à lui-même et privé des événements, il se montra inoffensif. Non qu'il subit une de ces métamorphoses avant-coureurs du dernier départ, mais parce qu'il avait la faculté de changer de forme comme certains scarabées vénéneux. Privé du sens moral, cette privation était sa force. Sous le rapport de l'argent, il fut noble. Il paya les dettes de sa royauté de la rue par la seule raison qu'il s'appelait Monsieur de Retz. Peu lui importait du reste sa personne. Ne s'était-il pas exposé lui-même au coin de la borne ? On le pressait de dicter ses aventures, et le romancier transformé en politique les adresse à une femme sans nom, chimère de ses corruptions idéalisées. Madame, quelque répugnance que je puisse avoir à vous donner l'histoire de ma vie, néanmoins, comme vous me l'avez demandé, je vous obéis. N'ayant plus où se prendre, il s'était fait le familier de Dieu, comme en sa jeunesse il avait serré la main des cartonniers de Paris. Il passait ses jours aux églises, on prêtait l'oreille pour ouïr son cri du fond de l'abîme, pour pleurer au psaume de la pénitence ou au verset du Miserere, et l'on écoutait en vain. Les sépulcres, les images du Christ ne l'enseignaient pas. Uniquement épris de sa personne, il ne se rappelait que le rôle qu'il avait joué, sans s'embarrasser de sa vie morale. Il inspectait les lambeaux de ce qu'il fut pour se reconnaître. Il éventait ses iniquités afin de se former une idée semblable de lui-même. Puis il venait écrire les scandales de ses souvenirs. En l'exhumant de ses mémoires, on a trouvé un mort enterré vivant qui s'était dévoré dans son cercueil. Joueur jusqu'à la fin, ne lui vint-il pas dans l'esprit de se retirer à la trappe et d'écrire ses mémoires sur la table où Rancé écrivait ses maximes ? Rancé fut obligé d'aller à Commercy pour détourner le cardinal de son pieux dessein. Bossuet s'était malheureusement écrié « Le coadjuteur menace Mazarin de ses tristes et intrépides regards. Les grands génies doivent peser leurs paroles, elles restent, et c'est une beauté irréparable. » Homme de beaucoup d'esprit, mais prélat sans jugement et évêque sacrilège, Retz contraria l'avenir de Dieu. Il ne se douta jamais qu'il y eût plus de gloire dans un chapelet récité avec foi que dans tous les hauts et les bas de la destinée. Esprit aux maximes propres à des brouilleries plutôt qu'à des révolutions, Il essaya la fronde à Saint-Jean-de-Latran, se croyant toujours dans la cour des miracles. Indifférent et mélancolieux, cet Italien francisé se trouva sur le pavé lorsque Louis XIV eut jeté les baladins à la porte, même en respectant beaucoup trop en eux leur vie passée et l'habit qu'ils avaient sali. Placé entre la fronde qui permettait tout et le maître de Versailles qui ne souffrait presque rien, le coadjuteur s'écriait « Est-il quelqu'un pire que moi ?» Et avec le même orgueil que Rousseau s'écrie « Est-il quelqu'un meilleur que moi ?» Et Retz continua ses passe-pieds jusqu'à sa mort. Mais il faut être Richelieu pour ne pas s'amoindrir en dansant une sarabande, castagnettes aux doigts et en pantalon de velours vert. Ce n'était donc pas à l'hôtel du cardinal de Retz que Rancé aurait pu apprendre à se plaire dans la capitale du monde chrétien. La société de Rome ne pouvait lui offrir aucune ressource. Elle était tout au plus bonne pour le petit Coulanges. Coulanges avait vu Rome en 1656 et en 1689. Il consentait à végéter au milieu d'un monde de fourberies. Il faisait des vers, bien qu'il ne fût pas Horace. Beau jardin de Montalt, Ludovic, Pamphile et Mattei. Néanmoins, à l'époque de Rancé, Rome n'était pas dépourvue de Français dignes de lui. En 1664, Poussin avait acheté de la dot de sa femme une maison sur le mont Pincio, auprès d'un casino de Claude Lorrain, en face de l'ancienne retraite de Raphaël, au bas des jardins de la Villa Borghese. Nom qui suffise pour jeter l'immortalité sur cette scène. Le Poussin mourut au mois de novembre 1665 et fut enterré dans Saint-Laurent in Lucina. Si Rancé eût attendu seulement 5 ou 6 mois, il aurait pu assister à des funérailles avec l'abbé Nicaise, auteur d'un voyage à la Trappe, là où je n'ai eu que l'honneur de placer un buste. Le réformateur aimait les tableaux, témoin ceux qu'il avait lui-même esquissés. En voyant le cercueil du Poussin, il aurait été touché, tandis que ce serait augmenté son mépris pour la gloire humaine. « J'ai rencontré Poussin, dit Bonaventure d'Arcône, dans les débris de Rome ou dessinant sur les bords du Tibre. » L'abbé Antoine Arnaud, de la génération de Port-Royal, affilié depuis à la Trappe, avait aussi fréquenté l'auteur du tableau du déluge. Ce tableau rappelle quelque chose de l'âge délaissé et de la main du vieillard. Admirable tremblement du temps. Souvent les hommes de génie ont annoncé leur fin par des chefs-d'œuvre. C'est leur âme qui s'envole. Enfin, la Léonora de Milton pouvait à la rigueur exister. Mazarin l'avait fait venir à ses concerts. Peut-être était-elle là, ne rendant plus aucun bruit, lyre sans corde. Rancé ne fut pas touché de la grandeur des campagnes romaines. Ces sortes d'idées n'étaient pas encore nées. Toutefois, saint François avait chanté la beauté de la création éclose de la bonté de Dieu. Il y avait bien des images dignes de la mélancolie dans cette terre, de tous les regrets. Rancé eût pu marcher avec les derniers pas du jour sur le sommet du Soracte. Du haut du mont Marius, il eût aperçu les plages de Civita Vecchia. À Ostie, il eût rejoint le sable facile à se creuser. Lord Byron avait marqué sa fosse aux grèves de l'Adriatique. Mais rien ne plaisait à Rancé, dont le cœur était plus triste que la pensée. Et cependant, s'il ne s'était trop enseveli dans la préoccupation de ses fautes, il eût rencontré dans Rome même de quoi contenter sa ferveur. Partout se présentaient à lui des oratoires, dans des parcours abandonnés, semés de fleurs, dans ces asiles dont le père Lacordaire a fait cette peinture. Au son d'une cloche, toutes les portes du cloître s'ouvraient avec une sorte de douceur et de respect. Des vieillards blanchis et sereins, des hommes d'une maturité précoce, des adolescents en qui la pénitence et la jeunesse laissaient une nuance de beauté inconnue du monde, tous les temps de la vie apparaissaient ensemble sous un même vêtement. La cellule des cénobites était pauvre, assez grande pour contenir une couche de paille ou de crin, une table et 2 chaises. Un crucifix et quelques images pieuses en étaient tout l'ornement. De ce tombeau qu'il habitait pendant ses années mortelles, le religieux passait au tombeau qui précède l'immortalité. Là même, il n'était point séparé de ses frères vivants et morts. On le couchait, enveloppé de ses habits, sous le pavé du chœur. Sa poussière se mêlait à la poussière de ses aïeux, Pendant que les louanges du Seigneur, chantées par ses contemporains et ses descendants du cloître, remuaient encore ce qui restait de sensible dans ses reliques. Ô maisons aimables et saintes, on a bâti sur la terre d'augustes palais, on a élevé de sublimes sépultures, on a fait à Dieu des demeures presque divines, mais l'art et le cœur de l'homme ne sont jamais allés plus loin que dans la création du monastère. Déjoué dans ses négociations comme dans ses sentiments, Rancé s'enferma dans sa vie. Il soigna un serviteur qui pensa mourir. Inflexible pour lui, il pliait sa vie pour les autres. Il ne buvait que de l'eau, ne mangeait que du pain. Sa dépense par jour ne passait pas 6 obols, pris d'une couple de colombes. Mais il s'abstenait de ces 12 oiseaux qui coûtent si peu cher. Ne pouvant faire auprès des hommes les affaires de Dieu, il tâchait de faire auprès de Dieu les affaires des hommes. Il ne voulait voir, dit Maupéou, ni les anciens monastères, ni les anciens monuments de la magnificence romaine, cirque, théâtre, arc de triomphe, trophées, portiques, colonnes, pyramides, statues et palais, imitant en cela le célèbre Ammonius qui, accompagnant Athanase à Rome, n'y voulut voir que le fameux temple dédié aux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Rancé fréquentait les églises, passant des heures à prier dans ses habitacles oubliés sur tant de collines célèbres. La pénitence sortie de Rome errait alentour. Pauvre Piferaro des Abruzzes, elle faisait entendre le son de sa musette devant une madone. Rancé s'avançait quelquefois seul devant le labyrinthe des cercueils, sous bassement de la cité vivante. Il n'y a peut-être rien de plus considérable dans l'histoire des chrétiens que Rancé inconnu priant à la lumière des étoiles, appuyé contre les aqueducs des Césars à la porte des catacombes. L'eau se jetait avec bruit par-dessus les murailles de la ville éternelle, tandis que la mort entrait silencieusement au-dessous par la tombe. Rancé avait désiré accomplir les fêtes de Noël dans un couvent de son ordre. Il y renonça lorsqu'il eut appris d'un vieux moine qu'on ne faisait point à table de lecture pieuse et qu'on jouait aux cartes après le souper. Confiné dans sa maison, il écrivait « Je passe ici ma vie dans une langueur et dans une misère que je ne puis vous exprimer. Rome m'est aussi peu supportable que la cour me l'était autrefois. Je ne vous dirai rien des curiosités de Rome, je ne les vois point et je ne me sens touché d'aucun désir de les voir. Mon unique consolation est celle que je trouve au tombeau des princes des apôtres et des saints martyrs, où je me retire le plus souvent qu'il est possible. » Enfin, ayant tout épuisé, Rancé songea à son retour. Il emportait quelques reliques que lui avait données l'évêque de Porphyre, sacriste d'Alexandre VII. Saint Bernard retourna jeune encore à son couvent avec une dent de Saint Césaire. Ne vieillissons point en quelque lieu que ce soit, de peur de voir mourir autour de nous jusqu'à notre renommée. Avant de quitter Rome, Rancé obtint du pape la licence de se retirer à la Grande Chartreuse. Ce permis existe, il est resté comme le bref d'un songe. Rancé n'exécuta pas tout le bien qu'il avait rêvé. En compensation des bonnes intentions perdues, on aperçoit dans les Holim des intentions de faute qui n'ont jamais été commises. L'esprit du réformateur errait partout où il n'y avait point d'homme. Il ne s'arrêtait qu'à l'orée d'un champ, au feu de chaume du pâtre. Descendu de l'Italie, Rancé visita dans la vallée d'Absinthe la poussière du grand abbé de Clairvaux, si toutefois elle renferme cette poussière. Il y voulut demeurer, on le refusa. L'abbé de prière avait mis Rancé sous la conduite de l'abbé de Valrichet, qu'on appelait dans le siècle Dominique Georges. Les héros d'Homère avaient des noms vulgaires pour les peuples. On ne vit donc point Rancé suspendu dans les abîmes de Saint-Bruno ou attaché à la tombe de Saint-Bernard. C'eût été plus éclatant pour le poète, moins grand pour le saint. Dieu, qui avait ses conseils, rappela Rancé à la trappe afin d'y établir la Sparte chrétienne. Rancé obtint une audience de congé du Saint-Père. Pourvu d'une bénédiction, il partit au mois d'avril. Et il était accompagné du jugement du pontife qui condamnait l'étroite observance. Ainsi, il en est arrivé de nos jours à l'auteur de l'indifférence en matière de religion. Caressé à son départ du Vatican, il était suivi du rescrit qui le jetait hors de l'Église. mais l'abbé de la Menay, repoussé par la réforme, a continué de croire qu'elle s'accomplirait. Une voix, est-il persuadé, partira on ne sait d'où. L'esprit de sainteté, d'amour, de vérité remplira de nouveau la terre régénérée. Voilà ce que pense l'immortel compatriote dont je pleurerais en larmes amères tout ce qui pourrait nous séparer sur le dernier rivage. Rancé, qui s'accotait contre Dieu, acheva son œuvre. L'abbé de la Menay s'est incliné sur l'homme. Réussira-t-il ? L'homme est fragile et le génie pèse. Le roseau, en se brisant, peut percer la main qu'il avait pris pour appui.